Vous êtes toujours à l'écoute du grand radioton annuel des bonnes intentions. Ici Creton Bergeron, en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Niaiseux. Monsieur Niaiseux, on approche de la période des fêtes. Et dans le temps des fêtes, de quoi les gens sont-ils pleins? De dingue? Mais encore. Ah, plein de... Non. Plein de bonnes intentions, mon ami. Et à notre grand radioton, on a bien l'intention de recueillir un maximum de bonnes intentions. Nous venons d'entendre la chaude musique du groupe Jazz Bénévole. On en profite pour faire le décompte. Monsieur Niaiseux, combien a-t-on amassé de bonnes intentions à date? 354. Wow! Et ça n'arrête pas! En effet, j'ai ici un témoignage d'un jeune qui a l'intention de tondre le gazon gratuitement pour ses parents du 1er janvier au 30 mars prochain. Si j'étais son père, moi, je déménagerais en Floride. Trêve de plaisanterie, mon ami. Comme dans tout bon radioton qui se respecte, nous aurons un invité très célèbre, un nom connu quoi, un groupe de has-been, sans oublier un groupe de la relève. Un vrai! On a vérifié l'état civil et ils ont tous moins de 30 ans, donc parfaitement qualifiés pour faire partie de la relève. Sans plus tarder, accueillons les Speed Bibliques. Jésus, Jésus, sans toi je suis tout nu. Jésus, Jésus, toi qui as tout vu. Jésus, Jésus, toi le grand disparu. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, toi qui as tout su. Jésus, Jésus, sans toi je suis nu. Jésus, Jésus, toi le grand disparu. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Eh, bravo les Speed Bibliques! Vous êtes toujours à l'écoute du grand radioton des bonnes intentions. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire connaître vos bonnes intentions. Et c'est pas tout! On vient de recevoir un don massif de bonnes intentions de la part de nul autre que le grand Satan. Et quand on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre personnalité connue. Comme notre budget est très limité, notre personnalité connue a accepté de venir à nos studios, mais à condition qu'on ne révèle pas son identité et à condition que notre personnalité n'ait pas à parler. Cher invité, vous allez bien? Wow! Il a dit oui de la tête! Super! Comme c'est rassurant d'avoir une personnalité connue qui nous appuie! Et c'est sur ce moment plein d'émotions qu'il est maintenant l'heure de vous présenter nos invités spéciaux, un groupe de has-been du domaine de la chanson dont la moyenne d'âge est de 89 ans. Leur spécialité est le lucratif marché de la musique pour les retraités, et ils adaptent les grands classiques du rock à une vitesse acceptable pour tous les retraités sans exception. Les voici avec un grand classique du rock. Mesdames et messieurs, accueillons le groupe Les Préarrangements Funéraires. Eh bien, ce sera tout pour notre super radioton annuel des bonnes intentions. Revenez-nous l'an prochain alors que les préarrangements funéraires auront sans doute fini de jouer leurs morceaux. Bye!